Et si tu partais comme toutes les autres, si on s'éloigne, j'aimerais trouver les causes. Je veux juste être là pour essuyer tes larmes. Quand je ne vais pas bien, je fais comme si t'étais là. Et si tu partais loin de moi, je me sentirais peut-être mieux dans ma peau. Tu as tout fait pour que je tombe accro. T'es le livre entier, le début, t'es l'intro. J'aime ton imparfait. Si on réunissait tous nos défauts ensemble, on serait parfait. T'es dans mes pensées, j't'ai dans la peau. J'te demande pas de me croire, j'te demande juste d'avoir confiance en moi. J'te demande pas de me croire, non, pas de me croire. Et si j'te disais je t'aime, j't'ai dans la tête et j't'ai dans la peau. Je veux un baiser, dis-moi tes fantasmes mais pas d'autres. Et si j't'ai dans la tête et j't'ai dans la peau. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Et si je te disais je t'aime, j'étais dans la tête et j'étais dans la peau. Je veux un baiser, dis-moi tes fantasmes mais pas d'autres. J'étais dans la tête et j'étais dans la peau. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon silence me manque, j'ai tellement appris de toi. Tel un enfant, tu me hantes. Ma douleur est muette, est-ce que tu l'entends? Tu as mon cœur entre les mains, tu pleures encore en chantant. Je suis l'auteur de ces ratures. Pardonne-moi, je traîne tard la nuit, je suis sous mon parapluie. Ramène-moi à cette époque où il y avait que toi et moi. Regarde-moi, regarde ce que t'as fait de moi. Je me sens fragile, je me sens qu'à moitié. J'ai l'impression qu'il me manque un poumon. T'es la seule qui n'est pas comme tout le monde. Je m'en suis fait, mais je t'ai pas fait de mal. Je suis dans une spirale, ça m'arrive de boire, d'imaginer le miracle. Il te fera revenir dans ma vie, même si je m'en tape. Moi, la seule chose dont je rêve, c'est d'un monde qui n'est pas fait de toi. Je me sens partir, ton odeur sur les draps est ineffaçable. Je ne m'arrêterai pas de vivre. Regarde-moi, regarde ce que tu as fait de moi. Je te demande pas de me croire. Je te demande juste d'avoir confiance en moi. Je te demande pas de me croire. Et si je te disais je t'aime, j'étais dans la tête et j'étais dans la peau. Je veux un baiser, dis-moi tes fantasmes mais pas d'autres. J'étais dans la tête et j'étais dans la peau. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et si je te disais je t'aime, j'étais dans la tête et j'étais dans la peau. Je veux un baiser, dis-moi tes fantasmes mais pas d'autres. J'étais dans la tête et j'étais dans la peau. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et si je te disais je t'aime, j'étais dans la tête et j'étais dans la. Je veux un baiser, dis-moi tes fantasmes mais sans m'en dire trop. Et si je te disais je t'aime,